Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 29 décembre 2016 et voici les grands titres de cette édition. Le président du collectif des syndicats du Burundi, Kosibo, a été arrêté par la police depuis ce mercredi à Ijenda. Selon le vice-président de ce collectif, Tarsis Gaungu aurait été arrêté à la suite d'une correspondance du directeur général de l'OTB, l'Office du thé du Burundi, au ministère de la Sécurité publique, lui demandant d'empêcher une rencontre des leaders du Kosibo avec des théiculteurs de la localité. Et le ministère burundais de la Défense nationale dément tout affrontement des militaires burundais aux éléments de l'armée congolaise le 29 décembre la semaine dernière, mais reconnaît la présence d'éléments en uniforme militaire sur le sol congolais, précisant que ce sont des déserteurs de 2015 n'ayant pas été désarmés. Vous entendrez les précisions du colonel Gaspard Baratouza. Un motard a été tué l'année dernière au quartier Mouchacha dans la ville de Gitega. Le forfait a été perpétré par deux clients que la victime transportait. Et le président de l'OLUCOM estime que la limitation des mandats d'un président d'une association ou le renouvellement de son agrément vise la restriction des libertés d'association. Réaction qui intervient après l'adoption ce mercredi de la nouvelle loi qui devra régir les associations sans but lucratif. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère de la Défense dément les informations selon lesquelles il y a eu des affrontements ces derniers jours opposant les forces de l'ordre burundaises à celles de la République démocratique du Congo. Le colonel Gaspard Baratouza, porte-parole de ce ministère, ne nie pas la présence des éléments en tenue militaire burundaise, mais il explique qu'il s'agissait des déserteurs de 2015 qui n'ont pas été désarmés. Suivez le colonel Gaspard Baratouza. Ce qui s'est passé, ça date de la tentative de coup d'État du 13 mai 2015, où ceux qui n'ont pas été appréhendés ont fui le pays. En fuyant, ils ont apporté sur eux les tenues militaires de l'armée burundaise. Ce qui s'est passé, dernièrement, les Congolais ont vu un groupe de gens qui portent des tenues militaires de l'armée burundaise. Comme il y a échange d'informations, ils ont demandé au commandant de la première région militaire de quoi s'agit. S'il aurait, par hasard, envoyé des militaires de l'autre côté. La réponse était non. Raison pour laquelle ils ont agi conformément à ce renseignement-là, qu'il n'y avait pas de militaires réguliers sur le territoire congolais. Comme ils devaient défendre leur territoire, c'est une probable agression ou une probable infiltration d'éléments étrangers sans aval de leur pays, raison pour laquelle ils ont passé à l'action. D'où ce que vous avez entendu. Oui, ils ont fait des affrontements avec des hommes en uniforme de notre armée en provenance de ce que je viens de dire en haut. C'était le colonel Gaspard Baratouza, le porte-parole du ministère de la Défense. C'était ce jeudi au cours d'une conférence de presse. Un taxi motard du nom de Javier Imane à Jean Bosco est mort dans la soirée de ce mercredi suite à une balle qu'il a reçue dans la tête de la part de deux personnes qu'il transportait. Ce crime a eu lieu au quartier Mouchacha de la ville de Gitega. Le président de la Mutabu à Gitega demande aux motards de rentrer très tôt et de ne transporter que des personnes qu'ils connaissent pendant la soirée. La police indique que les enquêtes sont en cours. Depuis Gitega, nous appelons notre correspondant Arthur Kavabushi. Selon les informations en provenance de ceux qui étaient avec le défunt, il était vers 19h lorsqu'il a reçu un appel d'une personne lui demandant d'aller le prendre. À ce moment, le défunt se trouvait dans un endroit communément appelé place et il est parti sur le champ. Le président de la Mutabu à Gitega, Jadon Zitunga, dit que vers 18h40, il a été mis au courant qu'il a été tué au quartier Mouchacha de la ville de Gitega, tout près du village d'enfants SOS, et qu'il a reçu une balle dans la tête de la part de deux individus non encore connus et qu'il transportait. Les deux individus l'ont laissé sur place et lui ont volé la moto ainsi que tout l'argent qu'il avait gagné. Jadon Zitunga demande au motard de rentrer très tôt, surtout durant cette période de fin d'année, et de ne transporter que les gens qu'il connaissent, surtout pendant la soirée. Il leur demande également de respecter l'heure de travail convenue, c'est-à-dire 19h. Les informations en provenance de la police à Gitega disent qu'ils ont trouvé le défunt encore vivant et qu'ils l'ont vite amené à l'hôpital régional de Gitega, mais qu'il est mort après car il était grièvement blessé. Les mêmes informations affirment que les enquêtes sont en cours afin de traquer les malfaiteurs et de les punir. Le défunt était originaire de la colline de Wugera, commune Ndava de la province de Mwaro. Arthur Kava, Bushigitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Je vous l'avais dit, Tarsis Gahungu, président du collectif des syndicats du Burundi Kosibu, a été arrêté par la police depuis ce mercredi dans la zone de Djenda. Célestin Savimana, vice-président de son collectif, qui donne cette information, fait savoir que leur président aurait été arrêté sur base d'une correspondance écrite par Jacques Wigilimana, directeur général de l'Office du Thé du Burundi OTB, pour demander au ministère de la Sécurité publique de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'empêcher la tenue d'une réunion qui devait avoir lieu entre les théiculteurs et des leaders du Kosibo. Suivez Célestin Savimana au micro d'Alida Naikeza. Nous avons appris qu'ils ont été arrêtés par des policiers qui œuvrent sur ce centre de Djenda. Nous savons que de par la constitution de la République du Burundi, par de la liberté syndicale et de la liberté d'association, chaque Burundais ou chaque résident qui travaille sur son propre compte ou qui travaille pour autrui a le droit de participer dans une réunion syndicale sans même autorisation administrative. C'était un nouveau syndicat ou c'était un ancien syndicat? C'était un nouveau syndicat. Les membres des associations des théiculteurs ont demandé depuis longtemps de se constituer un syndicat. Alors, ils ont sollicité l'appui des syndicats déjà organisés à s'organiser un nouveau syndicat. Alors, c'était le travail qui allait se faire. Le président de la COSIBU avait même écrit une correspondance au responsable du complexe théicole d'Igenda pour lui faire savoir qu'il y aura une réunion syndicale, mais curieusement, on a prendre connaissance des correspondances de monsieur le directeur général de l'Office du Thé du Burundi. Il écrivait à monsieur le ministre de la Sécurité publique pour lui dire d'arrêter cette réunion contre la violation de la Constitution de la République du Burundi. Ce que nous demandons, c'est que le président de la COSIBU et ses collaborateurs qui sont là soient immédiatement relâchés sans condition. Et l'Office du Thé du Burundi OTB confirme que Tarsis Gahungu a été arrêté car il tenait des réunions illégales visant le soulèvement des théiculteurs. Et ceci est dit par Yvonne Gilkwishaka, elle est conseillère agronomique à l'OTB. Elle s'entretient avec Mireille Kanyang. Effectivement, nous avons entendu que M. Tarsis avait prévu beaucoup de réunions dans la filière théicole, spécialement au niveau du complexe théicole d'Igenda et d'Otora. Les théiculteurs nous ont saisis et demandant les informations concernant son intervention. Et comme cette intervention de M. Tarsis était inconnue et de l'OTB et de l'administration, nous avons saisi l'administration pour qu'elle puisse intervenir, d'autant plus que c'est elle qui est chargée de ces questions d'intervention au niveau des réunions des théiculteurs et de la population en général. Qu'est-ce qu'il faisait dans ces réunions qui pouvaient valoir son arrestation? Nous n'en savons pas beaucoup plus. Puisqu'il a intervenu presque clandestinement, il n'a pas informé qui qu'il soit et les autorités de l'OTB et les autorités de l'administration. Et donc, dans ce cas, ça a été inquiétant pour nous. Et ensuite, les informations qui nous parviennent faisaient état de dire aux théiculteurs de s'absenter à la cueillette et aussi aux autres catégories de main-d'œuvre et de s'absenter au travail. Donc, vous voyez que ce n'était pas, en tout cas, de bonne foi. Pour qu'il y ait une arrestation, on a l'habitude de voir qu'on arrête quelqu'un parce qu'il est en train de perturber l'ordre public, la sécurité. Est-ce que Tarsis Gahungu, président de la COSIBU, a perturbé la sécurité à Igenda pour qu'il soit arrêté? Je pense que, vous voyez, si une personne s'arroge le droit de dire que de s'absenter à la cueillette, c'est déjà perturber la sécurité. Parce que la cueillette, ça concerne les revenus. Vous savez que dans cette région même, l'effectif est beaucoup élevé, jusqu'à 16 000 familles de théiculteurs. Donc 16 000 familles de théiculteurs, si une fois Tarsis parvenait à leur dire de s'absenter à la cueillette, tu vois que ce sont des actions de sabotage. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'Office du Thé du Burundi s'immisce dans les affaires de la COSIBU quelque part? Pas du tout. En fait, les théiculteurs sont déjà organisés au niveau national, depuis les collines, de la base jusqu'au sommet. Ils sont réunis en association, en fédération et en confédération. Et c'est officiel. Ils sont vraiment organisés pour défendre leurs intérêts. C'était Yvonne Gilkwishaka, conseillère agronomique à l'Office du Thé du Burundi. Et Moïse Nkurunziza, porte-parole adjoint de la police, dit être en train de collecter toutes les informations relatives à cette arrestation. Et puisque nous parlons d'association, l'Observatoire de lutte contre les malversations économiques, l'ICOM, dit n'avoir pas bien accueilli certains articles de la nouvelle loi qui va régir les associations sans but lucratif, que la Chambre basse du Parlement a adopté ce mercredi. Gabriel Oussiri, président de cet observatoire, estime que la limitation des mandats d'un président d'une association ou le renouvellement de l'agrément ne vise que la restriction des libertés d'association. Suivez-le. Pour nous, nous voyons que cette loi régissant les ASBL, c'est une loi qui vient pour restreindre toutes les libertés et par voie de conséquence, donc la restriction des principes annoncés dans la Constitution et dans tous les traités et conventions ratifiées par le Burundi. Nous décrions avec notre dernière énergie ce projet de loi régissant les ASBL. Nous voyons que le gouvernement veut que l'ordonnance d'agrément soit renouvelée une fois là, ce qui n'est pas possible. C'est impossible parce que l'ASBL, c'est une personne morale qui ne peut pas être enregistré, agréé chaque année, c'est impossible. Par ailleurs, c'est contraire à la constitution burundaise. Voilà, c'était Gabriel Ouftiri, c'est le président de l'ULUCOM. Il est 13h08 à Bujumbura. La réhabilitation des routes de la mairie de Bujumbura demeure dans les préoccupations de l'Office des routes au sein du ministère des Travaux publics. Le directeur général de l'Office fait savoir que ce sont pour le moment les moyens financiers qui font défaut. Et en ce qui concerne le boulevard du 1er novembre, Vincent Niyubahe dit que la route est menacée par la rivière Nahangwa et que l'aménagement du passage de la rivière est dans les attributions du ministère de l'Environnement. Suivez l'ingénieur Vincent Niyubahe, il est directeur général de l'Office des routes. La route du 1er novembre, c'est une route, c'est vrai, qui connaît des points critiques, les points côté Braroudi et les points côté usine à matériel qui s'appelle Exim. À la Braroudi, c'est là où il y a un peu de catastrophe parce que à chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations. Alors, ces inondations, c'est pas des eaux de pluie qui tombent comme gouttes, mais plutôt c'est la rivière Nahangwa qui, au niveau de la 25e avenue de Abuyenzi, a perdu son trajectoire, a changé d'eau lit pour passer dans les enceintes de l'usine de Rafina et de l'entreprise Régie des Eaux. Les solutions qui pouvaient être envisagées, ce sont des solutions de construction d'un mur, un mur barricade qui pourra orienter et relier de la vieille juste perpendiculairement ou dans le sens de l'ouverture du pont. Alors si cela n'est pas fait, attendez-vous à chaque fois qu'il pleut, on aura toujours des inondations au niveau de la Blarodi. La solution qu'on envisage de faire, c'est une solution qu'on a fait côté Exim, c'est la solution du béton non armé. À voir les moyens que nous disposons maintenant et vous voyez que nous sommes à la fin de l'année, souvent les billets de l'État à la fin de l'année, ça se trouve plus ou moins épuisé. Mais nous sommes conscients de tout ça, de l'état actuel des routes et autres infrastructures, parce que nous y passons très souvent. Nous recevons des appels pour vous dire qu'un jour on va réagir aussitôt que nous obtenons des fonds pour la réhabilitation ou pour l'entretien. Et concernant les routes qui s'écroulent juste après leur réhabilitation, Vincent Niyubahe dit que cela est dû à la lenteur des marchés publics. Il dit que le ministère a déjà plaidé à ce qu'il y ait des contrats pluriannuels pour le suivi d'une bonne réhabilitation. Encore une fois, Vincent Niyubahe, il était au micro d'Alain Désiré Boukayenez. Certaines routes de la ville et de la mairie sont très vieilles. Alors, quand il faut raccommoder à l'endroit de réparation, le nouveau béton ne peut jamais adhérer à 100% avec l'ancien. Ça veut dire qu'il y a apparaître ce qu'on appelle une micro-fissure. La réhabilitation ne dure pas longtemps. N'est-ce pas que ça peut avoir une cause? Les routes n'ont pas été réhabilitées d'une manière adéquate. Professionnellement, le travail se fait bien. Peut-être ce qui est dangereux, c'est qu'on se contente de réhabiliter exactement le point qui a été endommagé. Ensuite, une autre chose, ce sont des choses que nous devons faire après un appel d'offres. Ça nous prend au moins 4 mois. Alors, si un trou a été observé au mois de janvier avec, disons, 20 cm carrés et qu'on commence en retraite après 6 mois, ça veut dire qu'après 6 mois, le trou ne sera plus 20 cm carrés, il se sera au moins multiplié par 2. Raison pour laquelle nous sommes en train de songer à ce que nous appelons des contrats pluriannuels pour qu'une entreprise qui soit affectée sur un tronçon X veille à ce que la route soit toujours en bon état. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h11 à Bujumbura. Le ministère du Commerce a sorti ce jeudi une ordonnance clarifiant les produits interdits dans le commerce ambulant Au cours d'une conférence de presse, la ministre du Commerce a annoncé que ceux qui veulent exercer ce commerce peuvent déjà aller se faire enregistrer dans leur commune natale ou de résidence, mais ils ne doivent pas dépasser le chiffre d'affaires de 2 millions de francs burundais. Aubin Niyonkuru. Le ministère du Commerce donne un délai de 6 mois aux gens qui veulent s'engager dans ce commerce pour se faire enregistrer dans leur commune natale ou de résidence. Pour bien réguler ce commerce ambulant, ce ministère a sorti 3 ordonnances ministérielles. Parmi elles, l'une montre les produits qui sont interdits dans ce genre de commerce. La ministre du Commerce. Des produits interdits au commerce ambulant sont déterminés dans l'ordonnance déterminant les produits interdits au commerce ambulant. Il s'agit des médicaments et tous les produits locaux, les plantes médicinales, les animaux et les plantes, les articles d'horlogerie, les articles en métal précieux, en plaqué et les substituts, les pierres précieuses et semi-précieuses, les billets de loterie, les toxiques, les eaux distillées, les appareils médicaux, les boissons spirituelles et les articles et les produits utilisés par la régie des eaux et autres. Le commerçant ambulant ne devra pas dépasser le chiffre d'affaires de 2 millions. Les explications nous sont fournies par la ministre Pelate Niyonkuru. Concernant donc le chiffre d'affaires du commerçant ambulant, donc pour pouvoir fixer son montant, nous sommes basés sur le niveau de vie de la population et ainsi que le produit intérieur brut. Et puis, il ne faut pas qu'un commerçant établi qui paie régulièrement les taxes et les impôts soit concurrencé par un commerçant qui vend les mêmes produits devant la porte de son magasin ou sur la route qui passe devant cette porte. Pour exercer ce commerce, les requérants peuvent déjà déposer leurs lettres de demande pour obtenir leur numéro et cela se fera gratuitement, a-t-elle précisé. Aubin Niyonkuru. Et le parti du prenant invite tous les Burundais, les Wadasigana en particulier, à faire leur déposition devant la commission Vérité et Réconciliation sévère pour que la vérité sur l'histoire sombre du Burundi éclate. L'UPRONA regrette la situation des Burundais en exil et recommande que ces réfugiés ainsi que les politiciens en exil rentrent au Burundi pour aider dans la consolidation de la démocratie. Suivez Poncien Ndayishimiye, c'est le porte-parole du parti UPRONA. L'UPRONA recommande que les Burundais qui sont en exil retournent dans notre pays parce que nous avons besoin de leur force, nous avons besoin de la contribution des hommes politiques en exil dans la consolidation de la démocratie au Burundi. Et c'est pour cela que le parti UPRONA demande qu'il y ait des conditions favorables pour rapatrier les réfugiés burundais qui sont à l'étranger. Et pour la question de la CVR, l'UPRONA constate effectivement que la CVR est en train de travailler, mais là nous soulignons que la CVR doit tenir effectivement compte du contexte et des réalités politiques et sociales du moment. L'UPRONA invite par cette occasion les Badasigan en particulier à répondre massivement et à faire leur déposition devant la CVR parce que s'ils ne le font pas, les autres vont faire leur déposition en l'absence des Badasigan, ce qui n'est pas une bonne chose. Croyez-vous que la vérité sur les situations politiques au Burundi éclatera un jour? Oui, nous avons l'espoir que la vérité va éclater, mais cela dépendra de la volonté des Burundais eux-mêmes. Parce que si les Burundais ne veulent pas dire la vérité devant la commission, vous comprenez que la vérité ne va pas éclater. Mais si les Burundais comparaissent devant la CVR de bonne foi, dans l'objectif d'éclairer la commission sur l'histoire sombre de notre pays, la vérité va éclater. Mais cela dépendra également de la façon dont la CVR va travailler. L'UPRONA recommande que la CVR travaille dans la sérénité en tenant compte des réalités politiques et sociales du moment. Poncien Ndayishimiye, le porte-parole du parti UPRONA, dont les propos ont été recueillis par Dorine Ndayirorere. Et le maire de la ville de Bujumbura fait savoir que la mairie est prête à collaborer avec le ministère en charge des transports pour suspendre la vente des plaques des taxis-vélos en attendant que cette activité soit faite de manière conforme à la loi, d'autant plus qu'actuellement, elle est faite en violation de la loi. Cette réaction intervient après la demande du directeur général des transports de suspendre cette vente en attendant la préparation d'une réunion avec les responsables des associations œuvrant dans le secteur des transports pour mettre fin au désordre qui le caractérise. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale au Congo-Brazzaville, on parle d'une probable rencontre entre Denis Sassou Nguesso, le président congolais, et Donald Trump, le président américain élu, ce qui en aurait fait le premier chef d'État africain reçu par le milliardaire depuis son élection. Et en RDC, on parle de la reprise du dialogue. L'Église catholique reste confiante malgré les divergences et la signature est toujours prévue pour ce vendredi. Et Israël a suspendu ses relations diplomatiques avec le Sénégal suite au vote de ce pays au Conseil de l'ONU d'une résolution demandant l'arrêt de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens. Didier Niongourou. Suite au vote du Sénégal au Conseil de l'ONU pour une résolution demandant l'arrêt de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens, Israël rappelle son ambassadeur à Dakar pour consultation. Comme nous le lisons sur le site web de la BBC, dans un communiqué, le ministère sénégalais des Affaires étrangères détaille les décisions israéliennes. D'abord, le rappel pour consultation de son ambassadeur à Dakar, mais aussi l'annulation pure et simple des programmes de coopération avec le Sénégal. Israël a également annulé la visite de Manker Ndiaye, le ministre sénégalais des Affaires étrangères prévu dans le pays. Sont aussi annulées les lettres de créance de l'ambassadeur sénégalais en Israël. En République démocratique du Congo, la question du partage des pouvoirs au niveau du gouvernement et des exécutifs provinciaux est toujours en discussion. Majorité et rassemblement de l'opposition se sont rencontrés une partie de la nuit de ce mercredi. Selon le site web de la RFI, les évêques qui sont rentrés mercredi soir attendent ces deux amendements pour terminer le protocole d'accord qui devrait être présenté ce jeudi 29 décembre. La signature est toujours prévue pour vendredi. L'Église catholique reste confiante, malgré quelques déclarations alarmistes tant du côté de la majorité que de l'opposition. Et enfin, au Congo-Brazzaville, c'est toujours le flou autour d'une éventuelle rencontre entre Denis Sassou Nguesso, le président congolais, et Donald Trump. Son lundi 26 décembre, Brazzaville avait annoncé que le président congolais serait reçu par le président américain élu pour évoquer notamment la problématique libyenne, ce qui en aurait fait le premier chef d'État africain reçu par le milliardaire depuis son élection. Sauf que mardi, une porte-parole de Donald Trump a affirmé qu'il n'y avait pas d'entrevue prévue et qu'il n'y en aurait pas avant son investiture du 20 janvier. Pourtant, une délégation congolaise est bien arrivée aux États-Unis, entretenant le flou sur cette hypothétique face-à-face. Didier Nyonzima. Ainsi se referme ce journal. Je vous en rappelle les grands titres avant de nous séparer. Le président du collectif des syndicats du Burundi, Kosibu, a été arrêté par la police ce mercredi à Igenda. Selon le vice-président de ce collectif, Tarsis Gahungu aurait été arrêté à la suite d'une correspondance du directeur général de l'OTB au ministère de la Sécurité, lui demandant d'empêcher une rencontre des leaders du Kosibu avec des téiculteurs de la localité, ce qui a été confirmé par l'OTB. Et le ministère burundais de la Défense nationale dément tout affrontement des militaires burundais aux éléments de l'armée congolaise la semaine dernière, mais reconnaît la présence d'éléments en uniforme militaire burundais sur le sol congolais, précisant que ce sont des déserteurs de 2015 n'ayant pas été désarmés. Et un motard a été tué la nuit dernière au quartier Mouchacha dans la ville de Gitega. Le forfait a été perpétré par deux clients que la victime transportait. Et le président de l'Olicom estime que la limitation des mandats d'un président d'une association ou le renouvellement de son agrément vise la restriction des libertés d'association. Cette réaction intervient après l'adoption ce mercredi du nouveau projet de loi qui va régir les associations sans but lucratif. Ainsi se referme ce journal. Il est 13h20 à Bujumbura. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Merci à vous aussi qui l'avez suivi. Également merci à Albert Ndouaïo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi.